protège la peau comme un sicario. On fumera l'amour comme un cigario. Au bord d'un bateau, t'as l'air italio. Je rêve de soleil et de sicario. Donne-moi tes deux mains qu'on s'en aille un peu loin, afin que je croise mes ex un peu moins. Faut faire de la maille, chérie, faut qu'on style. Toi et moi serons les princes de la maille. Je vais mener la vie de Clyde et Bonnie. Braquer ton petit cœur sans me faire abattre. Naviguer avec toi toute la vie. Retrouver le large sans me faire la malle. Mon automatique se chargera du feu. C'est la seule façon d'éclairer ma flamme. Je boirai le calice jusqu'à la lit. Besoin d'un cali pour garder ma femme. Violence love. Violence love. Je t'aime, t'as ma parole, parole, parole. Tu me noies dans tes paroles, paroles, paroles. Je te jure, t'as ma parole, parole, parole. Je ne crois plus tes paroles, paroles, paroles. Love à la folie, j'ai lu sur tes lèvres. J'ai lu sur tes lèvres, love à la folie. J'ai bu tes paroles jusqu'à m'enivrer. Elles coulent comme du miel, accro, dès que j'y ai goûté. Si je t'écoute, tu vas m'envoûter. Nos liens évoluent, le voile se lève, le vrai se révèle. L'écume des vagues glisse sur le sable, tout est oublié. Avaler mes larmes et fermer le livre. Tout ce qu'il me reste est la mélodie. Tous les maudits, je les maudis à en devenir folle alliée. Tu vas m'envoûter. Je t'aime, t'as ma parole, parole, parole. Tu me